À nouveau, ce n'est pas correct. L'hypocrisie des politiciens est plus grande que le mont Everest. Le dicton n'est pas de moi, mais de l'alpiniste du Tyrol du Sud et auteur Reinhold Messner. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission de présentation privée. Saviez-vous que les fabricants de vaccins sont immunisés? Non? Moi non plus. Mais Robert F. Kennedy Jr., qui est d'ailleurs le neveu de John F. Kennedy, a rapporté dans un interview en 2017 des faits concernant l'industrie des vaccins dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Saviez-vous qu'en 1989, le Congrès américain a accordé une immunité juridique générale à tous les fabricants de vaccins afin qu'ils ne puissent pas être poursuivis? Et cela, quelle qu'en soit la négligence avec laquelle les protocoles sont conduits. Qu'il y ait de contrôle de qualité ou pas, quelle que soit l'ampleur des dégâts après la vaccination, et aussi quel que soit le caractère toxique des composants. D'ailleurs, si un vaccin s'échappe dans un bâtiment, tout le bâtiment doit être évacué à cause du poison neurotoxique. Les flacons des vaccins cassés doivent être éliminés en tant que déchets spéciaux. Depuis cette décision du Congrès américain, ni les dégâts imputés aux vaccins ne sont reconnus, ni les actions collectives ne peuvent être autorisées. Robert F. Kennedy Jr. a en outre indiqué que les médias sont à eux seuls sponsorisés par l'industrie pharmaceutique avec 5,4 milliards de dollars pour contrôler le débat sur les vaccins, de sorte qu'aucune plainte n'est autorisée. Je pense qu'il est temps que cela cesse. Et vous pouvez aider en transmettant immédiatement cette émission à 3 de vos amis et connaissances. Voulez-vous participer? Je vous remercie d'avoir visionné cette émission et vous souhaite encore de passer un bon moment. À bientôt. Ciao.